corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. En San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Guémozo pour un nouveau numéro de Boomerang, 90 minutes ensemble, 90 minutes pour Boomerang, avec nos habitués autour de la table. Juste une absente au rendez-vous, on pense bien à elle, Magali, on lui fait un salut à travers les ondes de la radio et on présente Félicie. Bonjour à toutes et à tous. Tu vas bien ? Oui, ça va. Ça va ? Prêt pour la bataille ? C'est pas une bataille. Je te taquine. Dominique, comment vas-tu ? Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. On va lui sourire. Alors vous voyez pas, mais tout le monde sourit là. On va lui dire. On va lui dire bonjour avant, parce que si on oublie à la fin, il va pas être content. Et puis du côté des hommes, il y a Segondino. Salut à toi. Et Pascal à la technique. Chers auditeurs, bonjour. Voilà. Ah, j'ai pas le droit au bonjour, moi. Ah ben. Je te taquine aussi. Oui. Mais en fait, on a un sapin de Noël, il faut savoir, qui nous sépare, moi et Pascal. Un joli sapin de Noël, blanc. Une étoile entre vous. Voilà, en polystyrène, expansé. La déco de Radio Guémozo. Ouais. Allez, on va enchaîner tout de suite. Vous connaissez le principal intérêt de l'émission, c'est de débattre en direct. Ou de présenter sujets, des choses. Voilà, de sujets divers et variés, d'actualité, de cinéma, d'art. Ancien, actuel, surtout support d'art d'ailleurs. On ne parle pas souvent de sculpture, on parle de peinture, de cinéma. Oui, bah la peinture, disons que c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas le support visuel pour les auditeurs. Ah ouais, mais on peut quand même l'exprimer d'une manière virtuelle. Il y a des peintres que j'aimerais bien présenter aux auditeurs. Comme la sculpture d'ailleurs. Hein. Bon, on avait évoqué par des émissions du passé, certaines expositions qui étaient en 3D dans la nature. Oui. C'était une forme aussi d'art, de sculpture, d'une certaine manière. Hein. Alors, on va commencer avec toi. Pour pas changer nos habitudes, Félicie. Oh ben, une fois n'est pas coutume. Si vous voulez, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, voilà. Bon, allez, programme aujourd'hui assez sympa. On va parler de choses plus ou moins sérieuses. Tout dépend des sujets. Tout dépend aussi comment on dérive ensuite sur les sujets. Qu'est-ce que nous inspire ce que l'on évoque en direct. On va parler alors d'un premier film qui s'appelle The Lady, bon, qui est un peu sur la politique birmane, mais qui va nous amener surtout sur un autre film, un téléfilm en particulier qui s'appelle La Boule Noire. Voilà. Et on va évoquer un sujet qui nous concerne tous et qui concerne les sociétés, c'est le racisme, le refus de la différence dans sous toutes ses formes. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi The Lady en premier ? Tu nous expliquais hors antenne que l'actrice, à la fin, enfin le personnage, cite une citation. Oui. Qui t'amène au sujet principal de La Boule Noire, pour que nos auditeurs comprennent bien. Voilà. C'est-à-dire que le premier film que j'ai vu, à la fin du film, cette femme politique dira une phrase que moi je vais récupérer pour oser parler quelque chose aujourd'hui. D'accord. Sur le deuxième film. Alors, donc ce premier film, il s'agit du film The Lady. C'est un biographique de Luc Besson avec Michel Yeh, qui joue le rôle de Aung San Suu Kyi. Et David Thewlis en Michael Harris, sorti en 2011. Alors, surnommée The Lady, Aung San Suu Kyi est une femme politique birmane, donc opposée à la dictature. Dès 1988, elle quitte Londres et sa famille pour revenir en Birmanie pour son engagement politique. Elle souhaite mener un combat non violent pour poursuivre la liberté d'expression et la démocratie dans une Birmanie en proie à une dictature militaire oppressante et sanguinaire, et poursuivre le combat de son père Aung San, assassiné en 1947. Elle est aussi confrontée à un duel cornélien, c'est-à-dire rentrer en Angleterre auprès de l'homme de sa vie qui est malade, et il a atteint un cancer de la prostate, ou poursuivre le combat pour la démocratie de son pays. Elle est vraiment coincée entre les deux. Et j'en viens au fait qu'il va me faire parler de la boule noire. Je développerai plus. Donc cette femme a dit, c'est parce que vous avez la liberté d'expression, et on sent tous concernés autour de cette table, puisqu'on est dans une radio quand même libre. Elle a dit, c'est parce que vous avez la liberté d'expression que vous devez promouvoir la nôtre, d'où un sujet scabreux aujourd'hui que je vais aborder. Donc, promouvoir la liberté... Oui, c'est Gondino. Promouvoir... Je précise qu'elle est prix Nobel, elle a été prix Nobel. Elle était prix Nobel, prix Nobel de la paix. Oui, prix Nobel de la paix de son vivant. Je crois que c'est la première elle femme. Elle est encore vivante. C'est possible, oui. Si, elle est encore vivante. D'accord, oui. Et la Birmanie, je ne sais pas trop où ça en est. Elle a gagné les élections. Elle est présidente, mais elle est toujours aussi emmerdée avec les, avec les, tout ce qui est, comment dire, répression de la loi. La junte militaire. Elle ne voit pas ce qui se passe. Ils se cachent derrière elle. Ils se cachent pour faire leur saloperie. D'accord. Il faut la police, il faut la loi. Mais eux, ils en profitent pour faire leur saloperie. Leur dictature. Elle intervient, eux, ils l'écoutent, mais ils recommencent dès qu'ils peuvent. Ils martyrisent le peuple. Oui, oui. Ouais. Mais c'est moins grave qu'avant, parce que maintenant, elle est au pouvoir, elle a eu le pouvoir. C'est elle qui a tout fait pour, au risque de se faire tuer. Oui. On voit, si tu as vu le film, on voit un moment un garde qui... Qui lui fait comme ça avec les mains. Qui lui pointe le fusil sur de chez elle. Et elle avance, elle écarte le fusil ou elle passe à côté et elle continue. Et elle s'en fout complètement. Ouais, elle est complètement passive. Je crois qu'elle était en résidence surveillée. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas le droit de servir sa maison. C'est pour ça qu'elle voyait très peu son comme mari. Gandhi, un peu. Gandhi, j'ai pas je lu, crois, j'ai ouais, pas, je pas, crois. Ni lu. Elle s'en est référée d'ailleurs à Gandhi. Ouais. À un moment, quand elle était en résidence surveillée, comme tu dis Dominique, chez elle, elle avait mis des grands posters où elle avait écrit des phrases de liberté d'expression, et dont une affiche qu'elle avait écrite « La Birmanie ne s'en sortira qu'en prenant exemple sur Gandhi ». Enfin, elle avait fait plein d'affiches comme ça qu'elle avait écrites sur son hall, en fait, le hall de... Le tyran qu'il est à l'époque, qui menait le peuple, qui tenait le peuple sous un carcan, était superstitieux. Ils étaient très superstitieux. Ah. Elle a été très maligne, très très maligne. Ouais. Elle a joué de son intelligence. Ouais. Oui, oui. Elle a pas de pouvoir. Elle a joué uniquement de son intelligence. Et elle vient d'où à la base, son pays. Son milieu familial. Quand elle était en Birmanie, qui était petite, son père était président. Ouais. Et il a été assassiné. Je crois que devant elle. Je crois qu'elle était présente. Sa mère, pareil. Ils se sont fait lyncher. Et il ne restait plus que la demeure. Et puis je me rappelle plus. Elle finit par partir en Angleterre. Ou à un moment, elle est emmenée par... Et elle se marie avec un Anglais. Et l'Anglais la soutient énormément. Fortement et énormément. Oui. Quand on voit le film, ça se voit, et c'est vrai que c'est une femme qui était partagée aussi. Elle a eu un destin exceptionnel. L'autre jour, je parlais de l'empereur Pouilly, mais elle a eu un destin exceptionnel aussi, parce qu'elle devait tout le temps choisir entre son combat pour la liberté et son histoire d'amour, et même de ses enfants, à qui elle manquait énormément. Donc... elle n'a jamais eu vraiment le choix. D'ailleurs, il y a un ministre à un moment qui lui dit « Maintenant, vous avez le choix entre votre famille et votre combat politique. » Il lui fait carrément du chantage. Elle le regarde dans les yeux et elle lui dit « Mais pour vous, c'est ça la liberté d'expression, la liberté de choix ?» Ouais. Son compagnon l'encourage à rester là-bas et à continuer le combat. Depuis l'Angleterre. Oui, lui, quand il communiquait. Il encourageait. Oui, oui, il a soutenu. Oui, oui. Elle avait les enfants à voir, elle avait des enfants avec lui. Oui, oui. Je crois que les enfants sont. À un moment, lui, il est revenu chez elle avec ses enfants. C'est ça. Ouais. Et ils sont vus à un moment, et c'est après quand il est reparti qu'il est tombé malade. Vraiment. Et lui, il lui a dit continue de combat. Elle restait que pour le peuple. Hein. Oui, oui. C'est vraiment pour le peuple, vraiment dévouée pour le peuple. Oui, oui. C'est une aussi belle révolution que la révolution portugaise. Eh ben, justement, on va en parler, c'est Secundino. En tout cas, c'est un destin romanesque. Hein. On peut dire Mais c'est vrai qu'elle dit que. On a la liberté d'expression et qu'on doit promouvoir la nôtre. Donc, moi, je vais parler de la liberté d'expression qu'ils doivent avoir, je sais pas, les étrangers, leur liberté d'expression à eux aussi. Donc, j'ai pris cette phrase de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Oui, et je vais apporter un sujet un peu scabreux. Tu parlais de la révolution portugaise, Secundino. Ben, c'est un peu le sujet aussi du film que je vais vous présenter, parce que ce sont le héros et sa famille sont portugais. À une époque de la dictature. Non, je vais t'expliquer. Ils sont en France. Portugais français. Ok. Ouais. Et voilà, mais bon, il va se passer tout un tas de choses. Donc, c'est un téléfilm français réalisé par Denis Malleval. Donc, La Boule Noire, pour rappeler. La Boule Noire, oui. Denis Malleval, on le connaît quand même. Après, on l'aime ou on l'aime pas. Je sais pas si j'ai vu beaucoup de films de lui. Mais en fait, c'est Denis Malleval, il est quand même pas mal connu. Donc, le film a été diffusé en 2015 sur France 3 et tourné en 2014. Il s'agit de l'adaptation d'un roman du même nom de Georges Simenon, qui s'appelle donc La Boule Noire. Ah oui. Alors, d'où l'aspect thriller du film. Hein. C'est vrai qu'il y a un aspect thriller, policier, mais je l'ai ressenti complètement autrement. Alors, je vais vous expliquer. Tout tourne en 1979 autour de Vicente, en portugais on dit Vicente, c'est-à-dire Vincent Ferreira, gérant d'un grand supermarché qui se voit refuser la qualité de membre du Sporting Club, où se retrouvent tous les notables de la ville qui élisent leur père par cooptation. Alors en fait, ce film qui pourrait être de série B, parce que les images sont vieillottes, il y a Virginie Lemoine dedans. Moi j'aime bien Virginie Lemoine, c'est mais. Pas vieillotte, Virginie Lemoine. Non, elle n'est pas vieillotte. Mais vous êtes posé une question. Oui. Secundino. Je vais te poser une question. Tu parles du Sporting Club de foot ou un club. Un club privé. Associatif. Un club associatif. Okay. Parce qu'en fait, Vincent, dans le film, il est directeur d'un supermarché, mais il est aussi trésorier de l'association des parents d'élèves. Donc, c'était quoi ta question? C'est, je ne sais plus. Moi, c'est la question, c'était, est-ce que tu parles du Sporting Club, l'équipe de foot? Non. Ou, non, à moi, non, c'est le Sporting Club, c'est un lieu où ils jouent au billard, au golf, ouais, ou machin. Une tout association, ça. Comme il y a ici. Une association comme des parents d'élèves, ouais. mais il est, alors justement... Donc, il est trésorier. J'en viens au fait, il est exclu de ce club et ça le ronge. Et pour quelle raison? Parce qu'il était, tu viens de nous dire qu'il est trésorier. Parce qu'il est portugais. Voilà, donc on est sur le racisme. Voilà. Alors, ce film, ça pourrait être un truc de série B, mais c'est un film magnifique. C'est un trésor de bonne conduite humaine, un road movie et thriller psychologique, c'est-à-dire qu'il va faire un road movie dans sa tête. Il y a quelque chose que j'ai pas suivi. Il est noir, le gars, et puis non, il est portugais. Il est portugais. Il est portugais. C'est pas des portugais qui gèrent... Non, voilà. Ah, c'est pas des portugais qui gèrent l'association. Voilà. D'où le problème de racisme. Okay. Elle vient de le dire, Félicie. Hein. Elle l'a dit à l'instant. Parce qu'en fait, c'était un homme qui a tout réussi. Et en fait, il voudrait accéder au Sporting Club, où il y a les notables. C'est pas du tout par ambition ou quoi, c'est le... de connaître des gens, c'est naturel. Donc il y a aussi une jalousie peut-être aussi, voilà, de la partie adverse. De la partie adverse, tout à fait. Ben, de toute façon, tu dis ce que je vais dire. Voilà. Tu dis exactement ce que Nora... Donc, il y a du racisme, ça s'emboîte, ça s'embrique un peu sur plein d'autres... Exactement, et c'est ce que tu dis. Sa femme, Nora, lui dit, mais c'est des jaloux. Voilà. Mais il le supporte très mal de ne pas être accepté dans ce club. Et sa fille Florence, sa grande fille, ils ont trois enfants, lui dit « Mais papa, arrête avec ça, tu vas te ruiner, tu vas te ronger. » Et à un moment, ils ont un leg pour le lycée d'une vieille dame qui vend son terrain qui juxtapose le lycée. Et en fait, il y a deux options, soit détruire les bâtiments puis gagner de l'argent pour remonter le lycée, soit faire un terrain de foot, ce qui coûtera moins cher et qui pourra aussi donner de l'argent à construire plus de salles dans les lycées pour qu'il y ait de plus en plus d'élèves dans cet excellent lycée. Et son option n'est pas retenue et ça le casse complètement, quoi. Mmh. Et j'en étais où donc ? Ah oui, c'est un road movie dans sa tête parce que, en fait, c'est un beau film qui fait réfléchir. Bon, tous autour de cette table. Oui, merci, Dominique. Nous, tous autour de cette table, je sais qu'on est plus ou moins métissés, ne serait-ce que par nos grands-parents. Hein, enfin, métissés, c'est peut-être pas jusque-là, mais on a des origines quand même. Non, non. Comment ? Il y en a, oui. Oui, mais il y a beaucoup de métisses. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est plus à être métissé. Après, la grand-mère après, russe de Pascal. Après, Félicie, sans être métissé, on peut aussi être tolérant. Ben voilà, c'est ça. Oui. Donc, ici, dans le film, c'est un homme qui replonge dans ses... C'est vraiment ça, moi, que j'ai senti dans le film. C'est un homme qui replonge dans ses origines de façon contrainte. Parce que sa mère meurt, donc il rentre dans la maison de sa mère et il retrouve des objets, des photos. Il y a même un moment où il va parler avec, comme si c'était un ange. Elle lui donne une statuette. Mais quel rapport avec le fait qu'il soit rejeté par l'association dont il est le trésorier ? C'est lié après au fait qu'il se replonge ? Oui. Est-ce que c'est ce rejet, en fait, oui, exactement, de ses origines, oui, par rapport aux gens qu'il a en face de lui, oui, voilà, qui vont l'obliger ou le contraindre à être mal et du coup à se replonger dans ses origines, oui, et à son histoire de famille ? Il va se replonger. D'accord. Et même en souffrir, mais il va affronter aussi. Donc l'axe du scénario, c'est toute cette rétrospective qu'il va faire, cette introspection qu'il va faire sur ses origines. Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a les personnages alentours qui le soutiennent. Dominique ? Oui, il avait quand même une réussite professionnelle. Oui, directeur supermarché. Oui, oui, donc il avait travaillé. Donc, et là, il subissait pas. Ça avait gêné. Il y a eu des jaloux. C'était mais aussi dans le supermarché. Enfin, en tant que son poste de directeur de supermarché. Il n'y avait pas qu'à l'association où il était trésorier qui avait des jaloux. Non, il y a... Donc c'est vraiment dans sa vie professionnelle et voire sociale, quoi. Oui, dans le supermarché, comme lui a dit sa femme, à un moment, tu n'auras plus de clients vu que tout le monde vient faire ses courses ici. Quand il était directeur de supermarché, on ne l'embêtait pas. Comme tu dis, dans sa profession, il n'était pas très embêté. Mmh. C'était surtout... en dehors, à l'association des parents d'élèves. Faire partie de la ville. Oui, mais les gens savaient qu'il était directeur du supermarché, parce que c'est pas anodin comme poste. Oui, mais c'était des jaloux. Ça a été des jaloux. Donc ça a eu aussi une des retombées néfastes sur son supermarché, quoi. Non. Non, pas forcément. Le supermarché, c'est anonyme quasiment. On le sait pas, ça... Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément pour l'avoir fréquenté de près par des amis et des parents, justement. Jeune passager, on va aller là. J'aurais pu le devenir, moi, si j'avais voulu à une époque. Donc, justement, sur ce sujet-là, je suis pas trop d'accord. D'accord, ouais. On a vite une réputation. Pas forcément que par le magasin, hein, mais aussi par le fait que, après, tout dépend des statuts, tout dépend des marques, des enseignes, où on est gérant, où on a une franchise et tout ça. Après, ça dépend des chaînes de magasins, mais... Pas forcément. Mais là, ce que je voulais savoir dans ton film, c'est s'il y avait vraiment... Ça déteignait finalement sur toute sa vie, quoi, ce problème-là. Ça déteignait sur toute sa vie, sauf dans son milieu professionnel. Voilà, en fait. D'accord. Ça l'affectait moralement. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, il s'est retrouvé dans un thriller. Donc, cet homme qui affronte... en fait, il replonge dans ses origines et il en souffre. Mais quand sa mère meurt, il l'affronte. Il affronte et malgré tout ce qu'il a construit et malgré sa réussite, il est obligé d'affronter et de replonger dans ses origines. Un soir au Sporting Club, quand il va donc, je vous explique le principe de la boule noire, il va un soir au Sporting Club et sa fille lui dit le lendemain, ils sont tous foutus de toi, ils attendent qu'une chose, c'est que tu reviennes pour se moquer de toi. Donc c'est violent quand même, c'est violent. Et donc dans ce sporting club, il va faire un billard un soir, et quelqu'un place une boule noire dans le billard, et en fait, ça va être l'objet témoin de raciste. Oui, c'est-à-dire que ça va l'obséder. Ça le représente lui, quoi. Voilà, fait. C'est ça. C'est une métaphore. Exactement. De dire t'es différent de nous, voilà. T'as pas la même couleur. Alors ça, c'est pas une histoire de couleur, entre autres, c'est une histoire de différence d'origine. Mm-hmm. Mais effectivement. Et oui, et cette boule noire. Il y a un côté un peu pervers aussi. Oui. Hein, mais cette boule noire, ça va l'obséder. C'est ça qui va l'amener à souffrir. Parce qu'il se demande qui a mis la boule noire dans le billard. Oui, il ne fait pas le rapprochement tout de suite. Non. Mmh. Et à un moment, il croit que c'est son ami, son meilleur ami. Comment Vincent va garder le contrôle? On craint le pire à certains moments. Comment sa famille lui dira-t-elle qu'ils sont fiers de lui? À un moment, sa fille, je fais une petite parenthèse, sa fille vient le féliciter parce que quand il voit qu'il n'a pas le terrain de foot, il démissionne. Il dit « Moi, je suis un homme intègre. Mon papa a été écrasé par un camion sur un chantier. Il m'a dit « Dans la vie, il faut toujours tendre la main. Faut pas tourner la tête. » Et il est dégoûté et il s'en va, quoi. Et sa fille, super fière de lui, lui dit « Mais papa, je t'ai jamais vu parler comme ça. T'as eu raison. Il ne méritait que ça. » Alors comment sa famille lui dira qu'ils sont fiers de lui? Comment imposera-t-il ou non une idée prometteuse pour l'utilisation d'un lac au lycée, donc ce terrain de foot? Comment Vincent est trésorier de l'association des parents d'élèves? Son meilleur ami le trahira-t-il? Ne s'entêtera-t-il pas dans ses idées et ses entêtements aussi? Comment... on arrive à l'ouverture sur le sujet. Comment fait-on quand on est étranger et qu'on se bat contre des murs? Comment fait-on pour continuer de vivre? Alors, moi, le sujet d'actualité. Me vient une question que je vais vous poser à tous autour de la table, avoir votre avis personnel, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, toi, Dominique, par exemple, par rapport à la question que Félicie vient de poser par rapport au sujet du film, quel est ton point de vue personnel? Tu peux développer? J'ai eu un grand-père italien. Et lui, sa philosophie, c'était rien faire et laisser dire. Enfin, il voulait passer assez inaperçu, mais il a eu quand même une réussite. Donc les chiens à bois, la caravane passe. Oui, ouais. Une réussite professionnelle. Enfin, il a beaucoup œuvré et travaillé pour ça. Mais à la fin de sa vie, enfin, pendant au moment de la guerre, quoi, on a essayé de le rattraper par rapport au comité de... Ah oui. Des anciens de... des résistants qui juaient, des gens qui considéraient collaborateurs. C'est revenu comme un boomerang. Oui, donc c'est triste, mais il a été reconnu innocent. Et toi, personnellement, moi je te pose la question à toi personnellement, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation comme ça, peut-être? Et si tu t'es retrouvé dans cette situation, comment toi tu as réagi émotionnellement, verbalement, moi, je suis socialement parlant? Je suis de la troisième génération, donc j'étais un peu fondue dans le paysage. Je parle pas italien et j'ai pas beaucoup souffert du racisme, à part quelques moqueries sur mon nom consonance italienne. Attends, il est joli ton nom. Oui. Oh oui. Spaghetti, voilà. Ah oui, il y avait donc tu vois, il y a quand même un petit exemple. C'est quand même partout. Mais... Je vois les enfants, il y a de la tolérance. J'avais une copine qui s'appelait Sandrine, on l'appelait Sardine. Ça c'est encore un petit peu différent. Mais, effectivement, là on est plus. J'avais déjà du recul par rapport à. T'étais déjà adulte. Non, mais pas vraiment, mais... Adolescente. Je savais que c'était des mots, quoi. C'était T'avais déjà une certaine intelligence. Avec mon père, mon grand-père, on s'était barricadé de ça, quoi. Pascal ? En fait, toi, c'est vraiment très typique, parce que tu viens d'une immigration qui est réussie. Ton père, il a réussi à même à faire fortune, donc en France. Donc, tu es descendante d'une immigration qui est réussie. Donc, t'as pas vraiment ressenti ce que les autres pourraient ressentir quand c'est pas dans le même cas. Oui. T'as un grand-père qui a fait fortune? Oui. C'est-à-dire? Je veux tout savoir. Non, mais là, faut plus nous dire, là. Ah, non, c'est Pascal qui aura le gros lot. Il n'est pas né avec une cuillère. Bah non, s'il a fait fortune, forcément. Une cuillère dans la bouche. Oui. Il était du nord de l'Italie, et puis il y avait granitier dans les Vosges qui allait chercher des travailleurs en Italie, et puis c'était pendant la période des années 20 où il recherchait beaucoup de monde à ce niveau-là. Et puis ces Italiens, ben, on en voit beaucoup dans la région, dans la vallée, qui se sont installés avec leurs propres chantiers. Et les granitiers ici recherchent beaucoup du marbre aussi. Oui. Et du marbre en Italie, il y a le marbre rose entre eux, des belles carrières. Mais Dominique, de Carrare aussi. Dominique, de Carrare, tout ça. Ton grand-père et ton arrière-grand-père, il venait du Nord, il a connu le fascisme ou les choses comme ça. Oui, dans les années 20, partie. Bon, il y a bien sûr l'aspect financier pour gagner sa vie et de venir en France, mais il y avait aussi le fascisme qui pointait qui le faisait bouger dans les années 20. Qu'est-ce que tu as hérité de lui, toi, en fait? Je ne l'ai pas connu. Au niveau des valeurs, pas connu, mais de ce qu'on t'en a dit. Hein. J'ai beaucoup de respect pour lui, enfin, j'ai toujours respecté mes aînés, et voilà. Et toi, Secondino? Moi, je dis le racisme est toujours d'actualité, encore plus qu'avant, encore plus qu'à une époque. Si je me rappelle mon adolescence, j'ai pas connu de raciste. Des fois, j'avais des potes qui manifestaient un racisme, qui disaient moi, les Arabes, je ne peux pas les blairer, mais toi, tu passes bien. Et c'est du racisme. Oui, c'est mais comment dire, c'est des gens. Il y a une sélection. Si toi tu passes bien, ça veut dire que les autres passent pas, ça veut dire qu'on sélectionne. Donc c'est déjà une forme de. J'ai connu des bons moments d'adolescence, donc je disais où j'étais très toléré, que ce soit au lycée ou en dehors du lycée. Et puis je vois comme c'est maintenant. Je dirais, il y en a qui sont restés des gens ouverts, puis il y en a qui sont devenus carrément aux extrêmes, quoi. Après, le racisme, c'est un terme général qui englobe plein de formes de question du racisme. La xénophobie, la discrimination, tout ça, c'est des formes de... Je peux dire une chose. Parce que dans le mot raciste, il y a le mot race au départ. Oui. Donc c'est pour ça qu'on... L'origine du mot xénophobie, c'est médical, et c'est quelqu'un qui refuse de reconnaître ses déjections. Qui refuse de connaître c'est quoi ? Qui refuse de savoir qu'il y a des déjections. Des quoi ? C'est quelqu'un à dire. Sérieux ? Sérieux ? Ah ouais. Alors, je vous propose une petite pause musicale et puis on continuera après sur ce sujet qui est relativement vaste. Tu nous as ouvert une voie immense et infinitésimale, parce que c'est vrai que le racisme, ça touche tout le monde, malheureusement, dans nos sociétés, entre guillemets, dites modernes. Alors, on va s'écouter U2. Alors, c'est Where the Street Have No Name. Oui. À tout de suite. C'est dans quel album ? Sur les ondes de Radio Gamozo, Where the Streets Have No Name, un groupe qu'affectionne particulièrement Félicie et Dominique autour de la table. Ah oui, Jean-Baptiste, je moi. Ah, moi, j'ai le côté mystique que t'aimes pas. Oui, bon, vous verrez tout à l'heure. Ah bon. À la troisième pause musicale. Bah, il en faut pour tous les goûts. Hein. Oui, évidemment. Voilà, vous êtes dans 90 minutes pour Boomerang en direct avec nos amis Félicie, Dominique, Segundino, Pascal et moi-même Jean-Baptiste. Et on parlait Oui, mais il ne veut pas parler au micro. Mais comment tu t'appelles? Comment? Je m'appelle Marius. Marius. Bienvenue Marius, Marius. À RGM. Merci. Donc Marius, c'est un jeune homme qui fait un stage, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, stage d'observation de troisième. Voilà. D'accord. Bon, ben c'est bien, tu as l'air déjà très à l'aise au micro. Tu veux faire ça plus tard? Oui, pourquoi pas. J'ai plein de choses qui m'intéressent. Bon. T'aimes tout ce qui est audiovisuel? Voilà, c'est ça. Bon. Eh bien écoute, on te souhaite longue vie, long chemin. Merci. Hein? Alors Félicie, on parlait en première partie d'émission du film La Boule Noire, enfin d'un téléfilm particulier qui traite du racisme à travers un personnage qui est rejeté au niveau de son ethnie dans sa vie socio-professionnelle, enfin surtout sociale. Sociale, oui. Et donc je faisais un tour de table avant la pause musicale sur ce que vous pensez du racisme par rapport à vos propres histoires. Et j'avais pas fini mon tour de table, on passe à Pascal. Pascal, quelle est ton opinion à ce niveau-là sur le racisme en général? Est-ce que toi, tu as vécu aussi ça, d'une certaine manière? Parce que le racisme, c'est global, mais une forme de racisme dans ta vie, est-ce que tu l'as vécu ou est-ce que tu en as été témoin, directement ou indirectement? J'ai pas vécu la même sorte de racisme. Je suis arrivé dans une ville où j'avais 20 ans et personne ne me connaissait. Il a fallu que je me batte pour me faire connaître. Donc, j'étais pas été intégré dans cette ville aussi rapidement que je l'aurais voulu. Mais c'est quand même une sorte de racisme. Complètement. Ouais. Mmh. Bah oui. Et toi, comment tu t'es adapté? C'est en restant silencieux, mais en prouvant qui t'étais sur la durée, ou comment ça s'est passé? En fait, pour sortir la tête du lot, il a fallu que je travaille dans un bar et que je me fasse connaître. Ça m'a donné une position sociale et j'avais plus de problèmes avec les autres. Tu avais une identité, donc tu étais reconnu dans une forme d'identité, de rôle, et donc du coup, tu faisais partie de la famille. Et toutes les barrières sont tombées du jour au lendemain, juste parce que je suis passé derrière le bar et que je les servais. Donc tu n'étais plus monsieur inconnu. Voilà, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que souvent, c'est le cas. Hein. Quand on n'est pas connu ou quand on ne sait pas d'où on vient, que les gens ne savent pas d'où tu viens, on se dit, c'est qui celui-là? Il y a toujours la peur. Enfin, disons, l'inconnu fait peur et la peur engendre une méfiance et un jugement. Mais à partir du moment où la personne est reconnue ou qu'elle a fait ses preuves, eh bien là, elle, effectivement, c'est ce que dit Pascal, elle est reconnue et donc intégrée. C'est terrible, quoi. Oui, c'est comme ça me fait réagir, Dominique. Oui, c'est comme l'étranger qui rentre dans le saloon. Oui, voilà, exact. Mais c'est vrai que moi, Dominique, elle aime le mot pour rire, c'est bien. Mais moi, personnellement, j'ai vécu du racisme à l'adolescence, mais je pourrais pas dire lequel. Je pense que mes copains, copines, ils se sont dit, mais elle est folle, elle est pas bien, elle est dépressive, elle est pas. Effectivement, j'étais pas bien. J'étais dépressive. Et c'était étrange parce que il me rejetait plutôt, mais quand il m'intégrait, je disais des trucs qui les faisaient rire. Donc il m'intégrait quand même un petit peu. Il t'intégrait, mais d'une manière sélective. Oui, mais il y avait en même temps une méfiance. Voilà. Peut-être. Quand j'étais spontanée et qu'il y avait des choses qui leur faisaient rire, ils riaient. Mais sinon, il y en a très très peu qui ont été conscients de mon mal-être et qui s'en sont préoccupés. Mais le racisme, des fois, je me dis, on doit me prendre pour une turque, vu que je m'habille avec mon écharpe. Ou... Mais ça m'est égal. C'est à Lyon, par rapport au handicap aussi, je sais qu'au Tio, il y a des personnes qui m'appellent la folle, quoi. Et c'est comme ça. Ça t'a poursuivi? Non, parce que comme dit Dominique, comme tu disais tout à l'heure, c'est que tu savais que c'était que des mots. Oui. Moi, je me dis, ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas. Faut pas que ça t'atteigne. Voilà, c'est ça. À un moment, ça peut t'atteindre, mais après, tu t'en fous des autres. C'est vrai. Non, moi, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais. Mais ça, après, c'est un apprentissage. C'est pas forcément évident de se barricader, parce qu'il faut pas non plus aller dans une caricature, mais savoir être un peu plus personnel et pas prendre pour argent comptant ce qu'on pense de nous, ce qu'on dit, et effectivement d'avoir un recul, et puis je pense que ça passe aussi par la confiance en soi. Oui, il faut avoir beaucoup conscience en soi, ceux qui sont d'origine... Conscience de soi et confiance en soi. Oui, t'as raison, conscience et confiance, parce que à force de se prendre des murs, on risque d'être trop blindé, justement. Il faut savoir faire pas tomber non plus dans la haine inverse. Quand on se prend des murs en face, ça fait mal, quoi. Moi, je comprends que ça doit être difficile de s'en sortir. Alors justement, pour revenir au sujet du film, par rapport à ce que tu viens de dire, ce personnage-là, lui, il a choisi, pour se blinder d'une certaine manière, parce qu'il a été atteint, de se replonger dans ses origines. Qu'est-ce que tu penses de sa démarche ? C'était pas une démarche, en fait. C'est venu sur lui comme ça. Ça lui est tombé dessus. De cette boule noire qu'il a vue. Sa fille qui lui dit que tout le monde s'est moqué de lui au Sporting Club. Et qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils reviennent pour pouvoir se moquer. Après, il y a la mort de sa maman qui lui tombe sur la tête. Donc, c'est des contraintes, mais c'est en fait, c'est des occasions de vie, quoi. C'est des moments dans la vie comme on a tous. Et lui, il est obligé. Et toujours, ça le ramène, en fait, ce qui lui arrive, ça le ramène à ses origines. Et chaque fois, quand sa maman meurt, il va chez elle et il voit les bibelots, tout ça. Et chaque fois, il ne peut pas s'en échapper. Et ça le replonge, ça le ramène. Il ne peut pas s'en échapper et il faudra qu'il aille très loin. Je ne vais pas tout dire parce qu'il faut vraiment le regarder. Mais il ira à un point où ce sera grave. Tu dis que c'était scabreux quand même. Oui, Et il en sortira quand même. D'ailleurs, le médecin qu'il soignera va lui dire « On est tous responsables de vous ». Je crois qu'il y a des personnes qui ont réfléchi aussi dans le film. Et c'est vrai que nous, on n'a pas besoin de réfléchir. On sait, les personnes, elles ne sont pas racistes. Mais je ne crois pas que tout le monde est raciste. Mais des fois, un sourire ou je ne sais pas, c'est... Est-ce que ça m'amène à une question générale qu'on peut se poser autour de la table, c'est ouais. Est-ce qu'on est éduqué dans nos sociétés occidentales qui ont quand même maintenant, depuis un certain temps, nos sociétés sont quand même cosmopolites, il y a un brassage quand même depuis ouais. quelques dizaines d'années, vraiment, qui, enfin ça a toujours été. Bah, les enfants entre eux, ils sont... Voilà, de plus, les plus enfants, encore... Les enfants entre eux, ils sont pas très racistes, je crois. Mais tu soulèves justement un gros problème. Non, je pense pas que justement c'est pas inné le racisme. Est-ce que ça vient de l'éducation, peut-être des pères en fait, enfin des parents. Enfin, quand je dis des pères, c'est des pères en général. C'est le nom. C'est pas le papa, voilà. Mmh. Ou est-ce que c'est finalement le climat ambiant qui nous pousse à être méfiants. Enfin, bon, je parle pas pour nous personnellement, en général, qui fait qu'on se méfie et comme on se méfie, on a peur. Du coup, et la peur engendre pourquoi la avoir méfiance. Peur, c'est un cercle vicieux, un peu. Mmh. Segundino, ça t'inspire Félicie, est-ce que toi-même, tu as des propres gens, des gens que tu n'aimes pas Oui. Il y a une question très intime. honnêtement, oui. Oui. Enfin, c'est pas que je les hais, mais... Mais tu en connais les raisons. Qui t'ont amené à ce rejet. Il y a des raisons, c'est sûr. Alors moi, j'ai prolongé la question de Segundino en disant, est-ce que tu penses que ça peut être une forme de racisme, ce rejet que t'as de ces gens-là? Ah oui, moi, il y a une personne, d'ailleurs, qui est décédée, malheureusement. Parce qu'on dit tous qu'on n'est pas raciste, mais en fait... Je suis désolée, cette personne, qui était toute française, je ne le supporte pas, c'était épidermique. Oui, mais alors après, est-ce que tu as analysé, entre guillemets, ce qui ne passait pas Je sais pourquoi ça ne passait pas, il y a des choses, il abusait. Donc, alors là, ce n'était pas forcément lié à ses origines ou à... Non, pas du tout. C'est plus une incompatibilité de caractère, oui, de personnalité. C'est vrai. Donc là, c'est différent. C'est une petite forme de racisme quand même, mais... discrimination, qui peut être... Oui. La discrimination, c'est une forme de racisme. Mais c'est très rare qu'il y ait des personnes qui m'agacent. Ils m'agaçaient, en fait. C'était pas du racisme, c'est qui m'agaçait. Pascal ? Oui, on parle du racisme. Il y a toujours eu du racisme. Je trouve qu'aujourd'hui, ça s'empire pour la simple raison, c'est que... Dans le temps dont les étrangers, ils essayaient de rentrer dans le moule, ils s'écrasaient quelque part pour être un bon français. Alors que les enfants d'aujourd'hui, eux, la réaction qu'ils ont contre le racisme, elle est violente. Oui. Elle est complètement différente. Alors c'est beaucoup plus difficile. Ils sont nés en France. Ils sont nés en France. Ils sont nés en France, voilà, c'est la grande différence. Donc ils se rebellent et ils ont une réaction violente. Et là, c'est bien pire maintenant, avec cette réaction qui est violente, qu'avec la génération des parents qui était plus, entre guillemets, soumis à... Non, c'est intéressant comme point de vue. Segundino. Avant, je projette ma propre vie d'avant, il n'y en avait pas beaucoup. Les plus victimes de racisme, c'est les Maghrébins. Et on n'en voyait pas beaucoup, on en connaissait, c'était sympa. On en connaissait, c'était sympa. Des fois, ils n'étaient pas d'accord avec nous. Bon, il y en a qui deviennent racistes. Ça n'arrêtait pas. Mais aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité primaire. Hein. C'est plus, comment dire, la petite xénophobie, les petites rancunes, j'en croise un, je lance un caillou, il me relance un caillou. C'est plus la même chose. Hein. C'est plus le problème est agrossi. C'est devenu carrément une grosse besace. Mais le racisme, c'est un terme qui englobe. La xénophobie, après, c'est des sous-genres. La discrimination, c'est des sous-genres, si on peut dire des termes comme. Non, si on peut parler dans ces termes-là. Mais le racisme, ça peut être aussi. C'est pas le rejet d'une race, entre guillemets, d'une ethnie. C'est aussi toute sa culture. Ça englobe aussi son existence même, sa façon de vivre, sa culture, ses traditions, ses rituels, ses rites. Enfin, voilà. Donc, ça englobe vraiment beaucoup plus de sujets. Donc, c'est beaucoup plus pesant encore. Ceux qui arrivent à échapper au racisme, c'est plutôt les artistes. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est plutôt les artistes qui. Il n'y a pas de discussion de racisme. Parce que c'est des gens connus. Ça coule comme de source. Mais dans la vie active, le travail, l'usine, ou d'autres boulots, où on n'est pas en usine, où on est. C'est, comment dire, où on se bat pour monter, où on se bat. Le racisme arrive à grandes jambes. Hein. S'il y en a un qui commence à monter les échelons, qu'il est maghrébin ou qu'il est dans une autre race, il y en a, ils vont pas le rater, pas tous, mais il y en a, ils vont pas le rater. Hein. Ça va être la première des trucs, ça va être le racisme qui va être mis en évidence. Je dis les artistes, c'est des privilégiés. Hein, c'est vraiment des privilégiés. Hein, Alors justement, Pascal, il avait une réaction par rapport avec ce que tu disais. Oui, mais ils sont connus. Mais quand je pense que quand Segonino parlait d'artiste, c'est de l'âme artiste, c'est-à-dire d'être artiste, sans être connu, forcément. C'est pas parce que t'es artiste, Pascal, que forcément t'es connu, encore une fois. Moi, je me sens une âme d'artiste, par exemple. C'est pour ça que je suis connu. Donc, mais je pense que c'est ne serait-ce que par leur sensibilité exacerbée, leur côté passionné que les artistes ont en général dans leur ensemble, mais les connus comme les pas connus, on s'en fout, et dans tout type de support artistique, ils ont une ouverture d'esprit vers l'autre, vers la vie, vers le monde, vers l'existence qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grande. Il y a une communication. Voilà. Il y a une communication qui se fait entre eux déjà. Qui va de par l'analyse de chacun, du travail de chacun au niveau de l'art lui-même, voire la coopération entre eux, entre musiciens. Moi j'ai envie, moi j'ai des musiciens, j'aimerais bien savoir jouer d'un instrument et jouer avec un groupe. Je ne regarderai pas l'ethnie d'où vient le batteur ou le. C'est bien connu. Tu prends l'exemple de la musique. La musique réunit les peuples. La musique est un langage universel. Enfin, c'est un peu j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai. Ils sont un peu des anges en fait, parce que moi j'avais vu un Africain de l'Afrique du Sud, non, là où il y a l'apartheid en fait. Il a grandi dans une maison, enfin il était blanc, et il est artiste, il travaille à Paris. Oui, je pensais à lui, genre Johnny Clegg. C'est pas musicien, c'est un plasticien. Parce que lui, c'est africain, de toute façon. Oui, oui, oui. C'est un plasticien, oui, qui réalise des toiles, et à Paris maintenant, ses toiles, il les fait tisser. Mais je voulais dire, les artistes aussi, il y en a qui sont déconnectés aussi de la réalité, qui ont tellement d'argent, qui ne voient plus. Oui, mais après, il y a des gens bienveillants et malveillants dans tous les milieux. Hein. Oui, Félicie, on trouvera des exceptions, même chez les artistes. Bien sûr. Il y en a, ils sont en échec. Ils sont en échec pour eux-mêmes, leur propre analyse, de donner aux addictions. Tu parles des rappeurs ou non? Non. Non. Non, rapper, c'est un art. Jouer du rap, c'est un art. Je ne suis pas contre. C'est pas ce que je préfère, mais je ne suis pas contre. Moi non plus. Comment dire, il y en a du chouette. Je ne sais plus où j'en étais. Je me suis un peu emballé. Mais en tout cas, c'est vrai que le populisme mené par Marine Le Pen en France, c'est grave. D'une certaine manière, on sent vraiment se pointer cette idée de racisme. Il faut dire les choses comme elles sont. Et oui, je crois à la base, c'est en Italie, c'est Silvio Berlusconi qui a prôné des idées de populisme, racisme, et ça a fait en Europe. Des émules, après ça s'est étendu. Oui, ça fait des émules, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est de la manipulation. Mais au Brésil aussi. Hein. Oui. C'est de la manipulation argentifère. C'est pas eux qui feront la guerre. C'est pas eux qui la déclencheront. Eux ne toucheront, ne palperont que l'argent, l'or, le diamant. Ouais. Après, s'il y a des scissions entre ethnies, ça va être les soldats, ça va être l'armée, ça va être le président, ça ne sera plus eux. Eux, ils n'ont rien fait, on les oubliera. On se rappellera dans l'histoire que c'est un peu comme la Deuxième Guerre mondiale. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, on a peut-être bien entendu parler, que ce serait Rockefeller et je ne sais plus combien de 3 ou 4 milliardaires comme ça qui auraient déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est qu'une légende, hein, mais ce serait pas, ça pourrait être vrai. Hein. Pascal ? En fait, le racisme, c'est une histoire de bêtises humaines. Parce qu'on sait très bien que le racisme, il mène nulle part. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il mène nulle part, il mène pas nulle part, justement. C'est stérile, effectivement. Les gens savent très bien que c'est pas constructif. Et puis, c'est pas pour ça qu'il y aura toujours des cons pour penser que c'est la solution, qu'il y a des fautifs. Et puis, il y a les amalgames qui se font avec les attentats. Mais là où les cons sont un peu moins... Tu le retrouves dans la religion aussi, dans les religions. Oui, hein. Ouais. C'est important ce que tu as dit, Jean-Baptiste, que ça ne mène pas nulle part, justement. Ça mène à des problèmes graves. Mais je pense que Pascal, il le disait aussi. Moi, j'essaie toujours d'être empathique et de comprendre le sens de l'orateur. Oui, vous êtes d'accord. Je pense que Pascal le disait dans le sens que ce n'est pas constructif. Donc, même si ça mène nulle part, que c'est pas constructif, ça mène vers une négativité quand même de l'autre, d'une ethnie, d'un peuple ou deux peuples, et du rejet total, comme on disait tout à l'heure, de tout ce qui constitue un peuple. C'est justement, moi j'ai toujours pensé, mais d'une manière innée, c'est pas une éducation que j'ai eue, c'est comme ça, c'est ma personnalité comme ça, que la différence est une richesse. Oui. Voilà. À partir du moment où il y a du respect. Bah oui. Moi, je pense que tout fonctionne par le respect, qui n'est pas forcément une valeur, qui est très répandue en ce moment. Ça s'oublie, le respect, beaucoup. Mon Dieu. La bienveillance, le respect, et pourtant, c'est très constructif. C'est pas forcément ce qui est... Et puis, comme disait Segondino, il disait un truc vachement important aussi à l'instant. Tu soulevais le fait des amalgames. Et c'est vrai, là, tu évoquais les attentats... Moi qui suis strasbourgeois, vu ce qui vient de se passer la semaine dernière au marché de Noël, enfin dans l'entourage du marché de Noël de Strasbourg, il se trouve que moi j'ai grandi dans le quartier à 50 mètres d'où ce jeune a grandi, et sauf que j'ai 20 ans de plus que lui. Enfin, maintenant, malheureusement, il est... Je dis malheureusement parce que c'est quand même une âme humaine qui est partie. Voilà, il a vécu 29 ans, il est devenu un monstre parce qu'il s'est fait entraîner là-dedans, dans cette radicalisation, et il a terminé abattu. Il est né l'année où je suis parti de Strasbourg, où j'ai quitté Strasbourg. Donc, ça a une résonance toute particulière parce que ça touche à ma ville natale. En plus, c'est dans un contexte de Noël, donc c'était pas non plus anodin. Mais c'est vrai, quand j'ai vu le parcours de l'histoire de ce gars, de ce jeune, c'est un pauvre gars, quoi, qui s'est fait embarquer, endoctriner, et qui est devenu un monstre. Mais et qui a terminé comme ça, sous les balles. C'était lui ou les flics. Donc, et il a tué quand même 3 personnes, et puis blessé je ne sais pas combien de personnes. Il avait 27 interpellations. Et il avait un parcours de voyou, puisqu'il était fiché. Je ne suis pas d'accord, il est fautif. Pour moi, c'est une personne qui est fautive. Moi, j'aurais eu sa vie, je n'aurais pas forcément tourné de la même façon, toi non plus. Oui, mais on ne peut pas juger, là tu portes un jugement. On ne sait pas pourquoi il a eu une fragilité. Il y a forcément une fragilité. Il n'est pas né monstrueux, il est né en 89. Rien n'excuse la violence. C'est un bébé. Rien n'excuse la violence. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est un être humain au départ. Classique. Après, il y a eu des données qui ont changé. Oui, mais rien dans son parcours, dans ses rencontres. Et là, effectivement, après, il y a une responsabilité. Mais bon, au départ, il n'est pas né monstrueux. Comme tout terroriste. Oui, mais... Voilà. Ils sont nés d'un père et d'une mère. Et il y a quelque chose dans leur vie qui s'est construit, qui s'est déconstruit, qu'ils ont basculé dans la monstruosité, dans l'innommable, alors que nous, non. Bon, parce que voilà, c'est tout. Alors, est-ce que c'est une histoire de personnalité propre, de rencontre, de sensibilité, d'éducation? Certainement. On aurait pu être aussi conditionné. Conditionnement qu'on appelle la radicalisation. Moi, j'ai vécu dans le même quartier, après tout, 15 ans avant. Avec les mêmes personnes qui étaient déjà en place. Je me suis pas embarqué en Syrie, radicalisé. Voilà, c'est pas une histoire des musulmans, pas musulmans. C'est une histoire... Comme ça, comme lui, là, on pourrait dire comme ça... Heureusement que non, heureusement. Non, on n'est même pas des exemples. On est des gens normaux qui aspirent à une vie normale. Complètement, complètement. Oui, mais lui, après, tu sais pas son parcours. Peut-être qu'il était comme ça. Mais il a rencontré des gens. C'est ce que je dis. Il y a des causes extérieures qui ont aussi agi sur sa personnalité, qui avait certainement un terrain propice à se laisser embrigader là-dedans, et qui l'a amené là. Il y a toujours une histoire. On reste toujours des êtres humains à la base, même si après il y a une déshumanisation totale avec cette radicalisation. Moi, je n'excuse pas les gestes, ça n'a rien à voir. Mais on est qui pour juger finalement? Alors évidemment, il faut qu'on se protège parce que c'est horrible. Mais quelque part, je vais plus loin dans mon raisonnement. J'ai un bouquin sur la radicalisation chez moi. Je pourrais te le prêter minorités d'hommes. Mmh. Si ça t'intéresse, justement, on parle du mécanisme d'endoctrinement, de l'idéologie qui fait qu'à un moment donné, on est endoctriné et qu'on on ne réfléchit plus et on est dans cette logique. On peut pas, je suis d'accord avec toi. Ça, moi, ça m'intéresse. Ouais, on peut comment pas un juger. Être humain peut en arriver à ça, quoi. Ouais. C'est plus complexe que de dire ah bah ouais c'est bien on l'a battu voilà. Ouais. Ah oui moi je suis d'accord. Il tue les gens on peut pas le laisser non plus c'est horrible. Il y a quelques années on parlait de djihad on parlait de djihad donc c'était déjà un motif à la radicalisation. Complètement. Nous on a connu ça au temps des croisades. Oui c'est pas récent hein, l'endoctrinement. Donc c'est toute une machine. Eux c'était prévu pour maintenant. Nous, à l'époque, c'était son destin. C'était prévu, ça a été prévu après. Ça remonte aux années 1300 où les croisades, ça a duré des années. Oui, là tu remontes, hein, c'est même avant le Moyen Âge. Mais ce que je veux dire, c'est même les grands bandits, les repris de justice ou les gens ensuite qui se sont assagis, qui ont passé 30 ans en prison, qui ensuite se sont rangés. Bon, après, c'est d'autres formes de violence, mais c'est pourquoi un être humain va dériver dans une telle horreur et un autre pas. Voilà, c'est moi, ça m'a toujours interpellé. Les rencontres. Les rencontres, mais aussi un terrain de fragilité qu'on a en soi Moi, c'est vrai que je me dis, que ce soit les Jéhovah, les trucs comme ça, je suis difficile à l'endoctrinement. Moi aussi. Parce que je suis quelqu'un qui aime ma liberté. Moi aussi. Alors, on n'est pas complètement libre dans la vie. Mais je suis quelqu'un qui aime contrôler tout dans la vie. Me contrôler moi, contrôler mes émotions, tout ça. C'est très dur. Et ne pas me laisser embrigader. Mais on se fait quand même tous plus ou moins manipuler à un moment donné pour des broutilles. Parce que des fois, c'est tellement subtilement fait qu'on ne voit pas les choses venir. Mais là, on est vraiment dans un endoctrinement avec une volonté de partir, voilà, d'aller à une idéologie et d'adhérer à cette idéologie et ensuite de répondre aux actes innommables. Mais c'est ça me dépasse. Moi, je on n'est pas orientaux que... non plus. Non. Hein, parce que voilà, y a aussi une culture aussi au départ. Moi, je pense qu'après la guerre, les gens ont quand même se sont tournés vers la tolérance. En fait... Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 60, il y a eu tous les films avec Lino Ventura, tous ces films où c'était des bandits. Et finalement, les gens, c'est pas un domaine terroriste, mais c'est quand même des bandits. Oui. Ils braquaient des banques. Mais un terroriste n'est pas un bandit. D'accord. On est largement. Les gens avaient quand même une certaine, les téléspectateurs avaient quand même une certaine affection pour ces personnages-là. Donc, effectivement, ils ont peut-être commencé à moins juger. On a peut-être commencé à moins juger. Les réalisateurs veulent t'orienter vers quelque chose, une vision d'un personnage idéal. Oui, ça peut être un voleur. Mais t'as aussi l'effet de masse. C'est vrai. T'as aussi l'effet de masse. Regarde ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe avec les Gilets jaunes il y a 15 jours. Ouais. La violence, comment. T'as quelques casseurs qui viennent dans une manifestation et regarde comment ça peut faire un effet de boule de neige après. Et bon, alors ils sont attaqués au bâtiment, mais ils sont attaqués aussi aux gens. Après, il y avait des lancers de pierres, de pavés et tout ça. Après, ça a dégénéré complètement. Enfin, tout le monde a vu les images. Regarde la violence, comment elle peut très vite. Générer. Et là, il n'y a pas d'endoctrinement, il n'y a pas de manipulation au départ. Il y a un effet de masse, elle la provoque. La violence ne vient pas de nulle part. La violence, on dit toujours la violence est gratuite. Oui et non, mais il y a toujours, quand tu vois vraiment que tu observes les événements et le déroulement des événements sur la journée du samedi, tu vois quand même qu'il y avait une montée en puissance, qu'il y avait un énervement déjà à la base, mais ensuite il y a de la provoque, et alors, tout a été dit, je le sais bien, et au bout d'un moment, on ne peut plus répondre par le dialogue, on ne peut plus répondre en étant pacifique, d'une certaine manière. C'est ce qu'on vit. Si on te bouscule, qu'on te tape, qu'on te tabasse... Si vraiment t'es une plouque finie, enfin je veux pas dire ça, mais tu vas te laisser faire, c'est pas normal. Tu vas avoir tu vas vouloir riposter. C'est une réaction de défense. C'est l'instinct. C'est l'instinct. Donc on peut pousser à la violence d'une certaine manière tout être humain. Là dans le terrorisme, toi, on est encore dans un stade pour moi supérieur qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que là on est carrément dans un lavage de cerveau pendant X temps. Et on te reprogramme différemment avec une autre vision du monde qui est, ben voilà, tous ces gens-là autour du marché de Noël, pour prendre l'exemple de Strasbourg, c'est des ennemis de Dieu, il faut les virer, il faut les tuer. Donc t'es conditionné. Ils prennent des substances aussi parce que t'as plus d'émotions, quoi. Tirer comme ça. La violence, je veux dire. C'est un mécanisme qui est complexe, quoi. La réaction par la violence, c'est aussi dans nos vies. des fois, on, les autres ne font pas comme on penserait ou ne réagissent pas comme on l'attendait. C'est vrai. Et on se met en colère, et ben, c'est une petite violence finalement. Mmh. C'est, vaut mieux une petite colère qu'une grosse violence. Une petite réaction de Pascal et après on se fait la deuxième pause musicale. Je pense que la violence, elle vient déjà de toute façon d'un écroulement de la personnalité. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas aller contre, c'est la conscience. Et si tu as une conscience, malgré tout ce qu'on pourra dire, si tu n'es pas fait pour tuer quelqu'un, tu ne tueras pas quelqu'un. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'excuse pas les gens violents, parce qu'ils ont une conscience aussi. C'est vrai qu'on pourra leur dire n'importe quoi, c'est eux qui passent à l'acte. Et on aura beau radicaliser n'importe qui, c'est quand même lui qui passe à l'acte. C'est lui qui est responsable de ses actes. C'est pas celui qui a radicalisé l'autre. La fin, il est aussi responsable de passer à l'acte de violence que n'importe qui. Il a une conscience. Tu dis quoi, Pascal ? Tu dis tu ne tueras pas quelqu'un et quoi tu disais ? Je ne sais plus. Ah, tu vas pas lui faire tout répéter. Non, écoutez, il faut suivre. Sans transition, Cindy Lauper, choix de Dominique, Time After Time. On se retrouve tout de suite après sur Radio Gamozo. Jolie voix de Cindy Lauper, Time After Time. Alors, c'est un choix de Dominique. T'aimes bien cette chanteuse ? Oui, j'aime bien. Et oui, puis, dans plusieurs livres que j'ai lus, on fait mention de Cindy Lauper, ouais. Les années-là. Moi, j'aimais bien Cindy Lauper, ses looks. Oui. Ah, c'est vrai. Elle avait des looks vraiment originaux. Oui. Elle les a toujours quand on la voit. Oui. Elle est rousse. Médiatiquement. Elle est rousse. Hein. Ça dépend. Des fois, elle a les toutes les couleurs. Oui. Un petit côté punk. J'aime bien ces looks. Punkette. Je voulais me capiller pour faire des personnages sur des tableaux, mais comme j'abonnais un peu la peinture pour le moment. Pour beaucoup de mascara au niveau des yeux. Oui, un peu comme. Je ne sais pas, les fringues étaient assez délirants. Ouais, elle s'est créé un personnage. J'aime bien sa voix. C'est une belle voix. Ouais, elle s'est créé un personnage. Belle carrière. Hein. Alors, on va enchaîner dans Boomerang avec Dominique qui va nous faire un quiz. Donc, on avait déjà fait ça une fois dans un précédent numéro. Ouais. Où Dominique pose des questions. On va s'amuser. De culture générale et puis ceux qui veulent répondre. On va s'amuser. Il n'y a pas d'obligation selon vos connaissances, vos compétences. On est là pour s'amuser, passer un bon moment. On est dans Boomerang avec Félicie, Dominique, Pascal Segundino et moi-même Jean-Baptiste. À toi Dominique. Alors, tu nous poses des questions sur dans quel domaine ? Télé et cinéma. Télé et cinéma, années 80. Oui. D'accord. Alors, dans Rain Man, Tom Cruise et Dustin Hoffman sont deux frères. Quelle est la particularité de Raymond joué par Dustin Hoffman ? A, il est autiste. B, il a des dents de voyant. Autiste. Il y a quatre solutions. Il sait parler plus de 20 langues. C'est un pilote de course hors pair. Non, il est autiste. Il est autiste, c'est vraiment très d'ailleurs, bon film. Rain Man est l'un des premiers films à aborder le sujet de l'autisme. Ouais. L'autisme surdoué. Oui. Asperger. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme, je veux dire autiste. T'as dit quoi, c'est surdoué. Autiste surdoué, je sais pas comment appeler ça. Ben si. Je suis pas instruit. Société. Alors, société. Quelle épreuve de natation à l'époque exclusivement féminine fait son entrée aux Jeux Olympiques en 1984 ? La brasse. Roller derby, le softball. Pas tous en même temps, ceux qui savent. Ou la natation synchronisée. Oui. C'est ça. Ce sont les Américaines qui remportent les deux épreuves en solo et en duo. Moi, je dis la brasse. Vous avez pas vu le film Le Grand Bain ? Dominique, faut que tu nous en parles. Oui, moi j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai pas vu le film. Il paraît que c'est Dominique, ton neveu, il joue dedans. Non, il a fait de la figuration, mais on le voit pas. Non, mais Le Grand Bain, il faut que tu nous présentes un jour. Ben, c'est une équipe d'hommes qui sont plus ou moins chômeurs, plus ou moins en faillite dans leur vie. Et puis, ils décident de faire de la natation synchronisée. Voilà, oui. Et puis, ils n'ont pas vraiment de but dans la vie, mais leur but, ce serait de décrocher la médaille d'or du championnat du monde de natation synchronisée. Ça va encore plus loin que ça. Je crois que c'est tous les gens qui sont valides qui sont passés pour des gens qui sont invalides. Non, c'est pas des invalides, mais ils sont dépressifs. Non, parce que l'affiche, on les voit en maillot de bain, tout ils ça. Ont pas oui, mais ils sont passés pour des invalides, il me semble. Non. Bon, ils sont un peu... Peut-être nous rappeler les principaux acteurs. Il y a Benoît Poulvorde, Philippe Catherine, qui est aussi chanteur. Antoine Duléry peut-être aussi, Je ne suis pas sûre. Hein. Non, il y a Jean-Hugues Anglade, qui fait le rôle du rocker. Il y a un Sri Lankais ou un Indien, je ne sais pas. Ah oui. Je sais pas. Oui. Y a qui ? Il y a Guillaume Canet. Voilà, à peu près. Ouais, l'affiche, elle est déjà sympa. François Duléry, il joue dans La Boule Noire, d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Alors, prochaine question sur les années 80. Musique. 3 étoiles, c'est compliqué. Hein. Ah ben, justement. Laquelle de ces affirmations sur Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper est vraie ? Oh ben. Tant bien. Dominique. La chanson a été écrite en 15 minutes. La mère de Cyndi Lauper joue dans le clip vidéo. Vrai, ouais, moi je dirais la ça chanson aussi. A inspiré le film musical Girls Just Want to Have Fun avec Sarah Jessica Parker. Vrai. Moi je dirais la 3. Alors, c'est Segundino qui a répondu en premier. Elle a été écrite en 15 minutes. Non, elles sont toutes vraies. Oh, d'accord. Subtil, d'accord. Ah, oui. Il y avait un piège. Ouais. Société, 1 étoile. Nelson Piquet a été un champion de Formule 1 à 3 reprises dans les années 80. De quelle nationalité est-il ? Oui. Je savais plus. Comme beaucoup d'ailleurs de grands clubs. Je savais plus. Oh là là. Télé et cinéma. Quel groupe d'humoristes est composé d'Alain Chabat, Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia ? J'ai porté la question. Répétez. Quel groupe d'humoristes est composé d'Alain Chabat, Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia. C'était le début de Canal+. Dominique, c'était les nuls. Les nuls, voilà, les nuls, je fais zéro. Ah oui, elle a le début de Canal+. Ah, télécinéma, 2 étoiles, un peu compliqué. Qui a présenté 2000 bulletins météo sur Antenne 2 de 81 à 84 ? Catherine Laborde, Sophie Davant, Alain Gilopétré ou Claude Sérillon ? Alain Gilopétré. Non, Gilopétré s'est arrêté en 99. Ah ouais. Il s'arrêtait aux tempêtes. Quand il y a eu les tempêtes, il les avait annoncées. Donc c'est pas Alain Gilopétré. C'est Alain Gilopétré. T'as dit quoi il dans les années. Attends. Il l'a fait pendant des années, il a pris certains. Il a présenté 2000 métaux de 80 à 84, mais il le présentait encore en 99. Oui. Ah oui, possible. Mmh. Donc c'est pour tous ça les que... jours là à fond. Oui, mais en 99, ça a été son dernier bulletin quasiment. Ah, oui. Il est tombé malade. Oui, il est tombé malade. Et je me souviens, aux tempêtes, c'était lui encore. Bon, il y a une erreur dans donc le. Là, il y a une erreur peut-être pas, mais moi ça m'a piégé du coup. Ouais. Parce que je peux dire qu'en 99, ça c'est sûr, je l'ai encore vu à l'antenne en météo. Alors. Télé et cinéma, 3 étoiles, compliqué. Ouais. Ah. Dans quelle émission présentée par Patrick Sabatier, Sophie Marceau est-elle confrontée à des questions embarrassantes c'est l'heure de la vérité, part non des... Ah non, c'était la... spectateurs. Oui. C'était un truc avec le jeu de la vérité. Oui, c'est ça. Hein, ouais. Il y avait eu Chantal Goya, il y avait eu un scandale aussi avec Chantal Goya. Elle s'était fait engueuler par l'institutrice. Et puis après, elle a estimé que c'était un piège. Elle en a voulu à Patrick Sabatier pendant des années. Il y a eu Coluche. Il y a eu Coluche, ouais. Coluche était fantastique, ouais. Oui. Télé et cinéma. Quelle journaliste française présentait l'émission politique 7 sur 7 le dimanche soir? Ouais. Avec son pull en mohair. Ouais, et ses yeux bleus. Et ses yeux bleus, qu'elle a toujours d'ailleurs. Vous voulez encore quelques petites questions? Ah, bah oui, on a le temps, hein, encore 4-5 minutes sortir là. Sortir de ma besace. Voilà, sortir de ton chapeau magique. Non, mais c'est vraiment c'est sympa ces quiz. C'est vraiment. C'est rigolo. La boîte magique. Pascal, on t'entend pas beaucoup sur les réponses. T'aimes pas ce genre de jeu? Si, mais je connais déjà toutes les réponses. Ah, d'accord. En fait, ils passent leur soirée à faire ça tous les deux. Ouais, on se des apéros. Tu peux pas trouver des questions que tu n'as jamais posées à Pascal pour que Pascal participe? Attends. Musique. De quelles chansons sont extraites ces paroles? Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux, je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo, je dis bonjour, faut bien que je me mouille. Non, c'est mise au point. Non. De Jackie Quartz. Juste une mise au point. Juste une mise au point. C'est Bachung. Ça, j'aurais dit Jackie la Quartz. La chanson Gabi au Gabi d'un Bachung sorti en 1980. Bah, les paroles de Jackie Quartz sont si. Moi, j'ai eu un doute. Ouais. C'est les paroles, moi, qui. Ah oui, je suis. Voilà, il y a des paroles un peu similaires. Magnifique artiste, Bachung, vraiment. Il a sorti un album posthume. Oui, grand. Enfin, pas lui. Oui, sa maison de disques. De quelles chansons sont extraites ces paroles? Je dormais à point fermé, je ne voyais plus en pied, je rêvais réalité, ma réalité. Téléphone. Ma réalité, ouais. Téléphone, mais... Je vois Jean-Louis Aubert chanter ça. Un autre monde. Un autre monde. Sorti en 84. Quel acteur a interprété Mad Max? Combien y a-t-il eu de films dans la série? Alors ça, j'en sais rien. J'ai son visage. Mel Gibson. Tout. C'est qui? Mel Gibson. Ouais, là, oui, voilà. Il y en a eu 4, dont 3 avec cet acteur. D'accord. Ça veut pas ça. Dans quel film Bastien découvre-t-il un livre enchanté qui l'emmène dans le monde de Fantasia? Félicie, ça va te parler ça. Ah ouais, bah attends, tu peux répéter, Dominique, s'il te plaît? Dans quel film Bastien découvre-t-il un livre enchanté qui l'emmène dans le monde de Fantasia? Moi, par la Reine des Neiges et Belle et Sébastien. Belle et Sébastien. L'histoire sans fin. Ah, l'histoire sans fin, jamais vu ce film. Il était génial ce livre. Ça me fait penser, sans forcément peut-être un lien, mais du fait du titre, il y a Sans famille, là, Rémi qui vient de sortir. Le film qui vient de sortir. Ça a l'air pas mal, j'ai vu la bande-annonce. Oui. Ouais. Ouais. Pour les fêtes, là, il sort. Ça passe bien, ça, au moment. J'aime bien cette histoire. Il y en avait un avec l'acteur que j'adore, c'est Pierre Richard. Oui. Oui. Et puis, là, c'est un autre. D'accord. Une autre réalisation. Dans le film Les Lésions. Les liaisons dangereuses. C'est Glenn Close, ça. De Stephen Frears, sorti en 1988. Ouais, Glenn Close joue le rôle de Madame de Merteuil. Qui joue Valmont? Ah. Oh. Tain, je le suis. Alors, il y a Jeremy Irons, Anthony Hopkins, John Cusack, John Malkovich. Michael. Malkovich. Malkovich. Oui. Je connaissais, je savais que c'était Glenn Close, mais. Voilà, voilà. Allez, musique, encore une petite musique, dernière. Musique. En 1985, plus de 40 artistes américains enregistrent une chanson pour l'organisme en aide qui vient en aide à l'Éthiopie. Quel est le titre de cette chanson? We are the world. Voilà, on en... Que tu confondais. Bonne transition pour moi. Je suis content, comme c'était la dernière question. Il faut que vous sachiez, les amis qui nous écoutaient, qu'en antenne, tout à l'heure, j'ai proposé, donc, quand on constitue la colonne vertébrale de l'émission ensemble, avant de prendre l'antenne, j'avais parlé de ma pause musicale et ça m'amène justement, c'est bien, voilà, à faire la transition. Oui. Félicie a confondu le titre de la chanson qu'on va vous passer maintenant avec voilà. Alors moi c'est donc Empire of the Sun et le titre c'est We Are the People. Voilà. On se retrouve tout de suite après. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. In the wild, take me now. Voilà, We Are the People, Empire of the Sun. Alors, je suis content, ça a eu du succès autour de la table. C'est une découverte, apparemment, ouais, pour la plupart d'entre vous. Ça me plaît. C'est un joli groupe son, anglais. Belle mélodie. Ça me rappelle un groupe des années 70 qui ont un peu la même voix. C'est plus récent, hein, c'est beaucoup plus récent. Oui, oui, mais ils ont un peu la même voix. C'est pas Simon & Garfunkel, c'est un truc dans le genre. Ah, mais il y a des similitudes. Oui, ouais. C'est vrai. Alors, on va enchaîner, Félicie, par toi pour parler de cinéma, les sorties de cinéma, programmation de Remy Remond, avant de rendre l'antenne, on t'écoute. Alors voilà, d'accord, donc je découvre avec vous, faut que je mette... Alors, dis-nous tout. Je découvre avec vous, il y a 1, 2, 3, 4, 5... Alors, qu'est-ce qui sort au cinéma ? 9 films, il y a 9 films cette semaine. Le retour de Mary Poppins... L'affiche est très jolie. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est une femme avec un chapeau rouge. C'est une comédie musicale, donc sympa, toujours les comédies musicales. Hein. Je crois qu'on ne peut jamais être vraiment déçu d'une comédie musicale. Voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est un genre qui est très marqué, donc soit on aime, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Ok, ça... je après, reste de parler Demoiselles de Rochefort. Oui, mais c'est parler. C'est à la fois chanter et parler, Demoiselles de Rochefort. Si tu prends Les Parapluies de Cherbourg, fait par le même réalisateur, c'est entièrement chanté, c'est un ovni quand c'est sorti. Ouais. Donc là, c'est pareil. Puis les grandes comédies musicales américaines... Ça s'appelle Le Retour de Mary Poppins. Donc c'est une comédie musicale de Bob Marshall avec Emily Blunt et Ben Whishaw. Alors ne me demandez pas qui est Mary Poppins, elle est connue du monde entier, mais moi je sais pas qui c'est. Alors c'était à l'époque le personnage qui a été créé, enfin le film voilà, qui a été produit par Walt Disney en 64. C'était avec Julie Andrews qui tenait le rôle titre. Et il y avait pas l'informatique à l'époque, mais il y avait déjà des effets spéciaux dans le film d'origine en couleur en 64. Bien réussi puisqu'il y avait une incrustation de dessins animés. C'est-à-dire qu'il y avait des personnages de dessins animés qui venaient se mélanger, se brasser avec des images réelles de personnages en chair et en os. Okay. Et donc, tu partais dans un monde merveilleux par rapport à cette femme avec son parapluie qui s'envole. Mm-hmm. Il y avait les deux petits-enfants, la fille et le garçon. Nounous. Voilà. C'était très, très, très joli. C'était très, très bien réalisé. C'était du Walt Disney, hein, donc évidemment. Ouais. Toi, tu vois la difficulté qu'ils ont eu pour tourner Rabbi Jacob Non, Roger Rabbi. Voilà, Rabbi Jacob, c'est autre chose. C'est pas mal ça. J'ai rien dit, je suis revenu au bon sens. Rabbi Jacob, Roger Rabbit. Roger Rabbit. Voilà. Jessica Rabbi les difficultés Jacob. Qui sont pour tourner ça. La danse, Louis de Funès dans la danse. Non, mais là, je parlais de Roger Rabbit, maintenant il y a le champion. Pas de Rabbi Jacob. D'accord. Ça, c'est avec Louis de Funès. On mélange tout là. Avec sa femme, je crois, qui est dentiste d'ailleurs. Il y a tous les Victor Piver qui s'appelle lui dans ce film-là, dans Rabbi Jacob, je crois. Je sais pas, je n'ai pas vu Rabbi Jacob. Avec tous les dentiers qui se soulèvent à un moment donné. Ah mais si, c'est quand il danse là. Ouais, il se passait pour l'autre, en fait, pour le grand-père juif, finalement. Oui. Il paraît qu'il a mis du temps, mais qu'il a beaucoup travaillé pour danser. Puis sa femme, elle est dentiste dans le film, et il est toujours en train de la solliciter, et puis elle est toujours avec ses patients, alors elle leur laisse la fraise dans la bouche et tout ça. Il y a toujours des quiproquos. Mmh. Quoi. Ouais. Alors voilà, est-ce que je vous lis le synopsis ? On n'a peut-être pas trop le temps. Donc ça reprend l'histoire, en gros, pour faire vite, l'histoire de... Oui, vite fait, Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 Allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabelle, Georgie et John, et leur gouvernante, Hélène. Comme sa mère avant elle, James Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Mais alors cette Mary Poppins, c'est une petite fille, c'est qui ? C'est une fée ? C'est une... Dans le film de 64, c'était une femme. C'était une femme, d'accord. Une gouvernante, non ? Oui. Je me souviens plus exactement. Un peu. Oui, parce qu'elle était dans des familles bourgeoises. Mais oui, je me souviens. Donc ça me revient, en fait. Et elle entraîne les gosses dans un monde magique où il y a du dessin animé qui se mélange avec les images. Mais ça, c'est le film de 64. Mmh. Alors, il y a Rémi sans famille. Voilà, qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, film d'aventure de Antoine Bossier avec Daniel Auteuil. Bon, on a en tête celui avec... Pierre Richard, que j'aime beaucoup. Donc, il joue le grand-père. Là, c'est un autre acteur. Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et chanter pour gagner son pain. Ma maman Barberin, c'est sa maman d'adoption, adoptive, mais il retrouve sa maman, sa vraie maman, biologique. Qui vit avec un enfant qui est dans un fauteuil roulant et qui est sur une péniche. Elle vit sur une péniche le long du canal du Midi. Voilà. Et à la fin, il la retrouve. Oui. Voilà, oui, ça oui. se termine bien en fait. Elle est d'origine polonaise d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a des petits singes qui l'accompagnent, je ne sais plus leur nom, mais il y en a un qui meurt à un moment donné. C'est terrible. Comment ils s'appelaient les noms? Ils sont Joli Cœur. Voilà, Joli Cœur. Joli Cœur, c'est le petit singe. C'est une très belle histoire. Il y a un petit chien aussi. Et il y a un petit chien. Il y a Dolce. Dolce, ouais. Et Dolce, elle se fait manger par les loups. Et Joli Cœur, il décède en faisant un numéro. Et il y en a un qui est enrhumé aussi. De toute façon, c'est une histoire triste au départ. Ah oui. Mais alors là, donc, c'est une nouvelle production avec Daniel Auteuil qui joue Vitalis. Alors, il y a Astérix, le secret de la potion magique. Ouais. Donc, c'est un film d'animation de Louis Cliché et Alexandre Astier. À la suite d'une chute de la cueillette du Guy, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Ensuite, un autre film d'animation qui s'appelle Le Grinch de Scott Mosier et Yarrow Chenet. Comme chaque année à Noël, les choux viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses et bruyantes. Quand les choux déclarent, ça doit être une famille les choux, quand les choux déclarent qu'ils vont célébrer Noël encore plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité. Il doit voler Noël. Prochaine. Alors, sinon, il y a les Filles du Soleil. Bon, c'est quand même des programmations juste avant les fêtes. Hein. C'est un peu... C'est un peu ciblé. Il y a les Filles du Soleil. C'est un drame de Eva Youson avec Goswil Farhani, Emmanuel Berko. Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon. Le Kurdistan, il paraît que c'est magnifique. Quand j'ai vu un reportage, il y a un Vosgien qui est allé là-bas. Il a fait le Kurdistan en vélo, enfin en plusieurs fois. Ouais. Donc Bahar, commandante du bataillon du Fils du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes avec l'espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient de couvrir l'offensive et témoigner de l'histoire de ces guerres d'exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause, la femme, la vie, la liberté. Donc c'est un truc féministe sans déborder, parce que des fois il y a les féministes qui débordent. Oui, c'est... Bon, il nous reste très peu de temps, peut-être d'autres films encore. Il y a L'Empereur de Paris, qui est un film d'aventure de Jean-François Richer avec Vincent Cassel. Ça inspire Dominique. Sous le règne de Napoléon, légende des bas-fonds parisiens. Enfin, c'est un truc qui se parle. Dans les bas-fonds de Paris. C'est l'histoire de Vidocq, en fait. Ah oui, Vidocq. Oui. C'était un ancien bagnard et qui est devenu policier. Mmh. Et qui il y avait une série. Il y avait une série avec Claude Brasseur et Daniel Lebrun dans les années 70. Oui. La musique était d'ailleurs très originale sur ce personnage de Vidocq. D'accord, donc c'est un film vrai. C'est un personnage. Il y a Mortal et Engines, film fantastique de Christian River, produit et écrit par Peter Jackson. Des centaines d'années après qu'un événement apocalyptique a détruit la Terre, l'humanité s'est adaptée pour survivre en trouvant un autre mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre, prenant sans pitié le pouvoir sur d'autres villes mobiles plus D'accord, petites. D'accord, bon, ok. Et puis, t'en as peut-être encore un ou deux derniers. Ouais. Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Je ne vais pas vous lire le synopsis. Ça fait très ciblé aussi. C'est un film fantastique quand même. De Lars Armstrong. C'est tiré de l'opéra, enfin de l'opérette. Je ne sais pas. Je vais lire le truc, mais je veux juste vous dire que Lars Armstrong, c'est quand même un réalisateur qui est pas dans le cinéma depuis longtemps, mais qui réalise vraiment des chouettes trucs. En tout cas, ça va donner des idées à nos auditeurs. Il y a un chouette film assez varié. On le voit. Ouais. Et ils peuvent retrouver les informations sur le site. Le site Peut-être sur Internet. Oui, le site... Allociné, non ? C'est Allociné. Cinéma Le France. Oui, Le France. Tu mets Cinéma Le France. Voilà, merci Segundino. France, Remiremont. Oui, donc il y a Casse-Noisette et l'équipe de Hallström. Mais vraiment, Hallström, c'est vraiment un bon réalisateur. Il est souvent sur Arte. Et le dernier film, c'est Les Animaux Fantastiques. Les crimes de Grindelwald, c'est un film fantastique aussi. Très bien, donc vraiment une belle programmation pour ces fêtes pour de rêver. Fin d'année. Eh bien, il nous reste à vous remercier tous autour de cette table d'avoir participé à cette dernière émission de l'année. Et avec l'équipe de la radio et l'équipe de Boomerang, on vous souhaite à toutes et à tous, joyeuses fêtes de Noël, un joyeux nouvel an aussi. Et on se retrouve en début 2019, au mois de janvier. Peut-être le 2. Sachant que cette émission, vous pourrez la réécouter en rediffusion mardi. Vous pourrez la réécouter, réécouter en rediffusion. Tu vois, tu me fais perdre mes mots, Félicie. Pardon, c'est désolée, pas grave. Non, c'est pas grave. Jean-Baptiste. En direct à 9h, elle sera rediffusée. Alors, ça sera pas en direct, mais ça sera comme du direct pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Et vous la retrouvez en rediffusion sur le site de la radio. On s'excuse. En tout cas, il y a eu un petit souci technique pour la précédente émission, celle du 6. Elle n'avait pas été mise sur le site de la rediffusion parce qu'il y avait un souci technique. Voilà. Donc on s'excuse auprès de ceux qui nous écoutent, chose qui sera certainement résolue pour celle-ci. Joyeuse fête de fin d'année, joyeux Noël à tous, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. À vous tous. Oui, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.